Vous avez fait votre déclaration d'impôt, vous? Laquelle? Bah, celle de 62. Ah non, moi je me suis arrêté à 58, moi. Pourquoi? Je me lasse, ça. Enfin, vous savez quand même remplir une feuille d'impôt. Ah bah, je sais remplir une feuille d'impôt, pourquoi vous savez pas, vous? Bah, d'ailleurs, c'est la première fois que je déclare mes impôts. Bah, les autres années? Je ne faisais pas de déclaration. Alors pourquoi en faites-vous une cette année? Parce qu'avec ce que j'ai gagné cette année, je ne suis pas imposable. C'est honnête, oui. Bon, alors, je vais vous faire voir, c'est très simple. Oui. Alors là, en haut à gauche, vous avez département. Mais j'ai département, oui. Ah, vous mettez un département. Ah bon? Mmh. Et lequel? À part ça, ça dépend de vous. Si vous écrivez large, vous mettez un nom de département. Un nom de département, non, vous pas. Ah, c'est comme ça? Ah oui, il faut que ça fasse propre. Ah, bon, alors, je vais mettre un. Un quoi? Hein, le département. Alain. Ah, faut mettre son prénom. Non, le prénom c'est plus tard. Ah bon, mais de toute façon je m'appelle pas Alain. Alors mettez pas. Alors mettez pas. Voilà. Bon, la commune. Quelle commune? La commune du Var, vous êtes né, quoi. Vous prenez dans le Var, je suis né dans l'Ain. Oui. Alors mettez Brest. Brest. Ah non, Aurillac. Je confonds toujours les deux ports. Alors, ici, vous avez un nom en capitale. Mais j'ai un nom en capitale. Alors, mettez un nom en capitale. Alors, qu'est-ce que vous avez mis, vous? Moi, j'ai mis Colbert. Colbert. Colbert. Bon, ben, moi, je vais mettre Destin. Ah oui, Destin, c'est l'avenir. C'est bien. Voilà. Et puis, alors là, le prénom. Le prénom, Paul VI. Pourquoi 6? Ah, parce que je suis le sixième d'une famille de 6 garçons, on s'appelle tous Paul. Ah, bah, alors, c'est moi, Paul 6. Ah, c'est vous, Paul 6, ça c'est bien. Alors, mettez Paul 6, c'est Paul 6. Voilà. Date de naissance. Date de naissance, alors 1515. Ah non, je vous en prie, mon vieux, ne plaisantez pas. Ah quoi, c'est une belle victoire française, non? Ah, c'est possible, mais qu'est-ce que vous allez payer comme rappel? Non, j'avais pas pensé à ça. Bah, il faut y penser, je pense, c'est ben, ça. Oui, bien alors. Sûr. Bon, alors, je vais mettre 1937. Voilà, voilà, ouais. C'est plus mauvais. Lieu de naissance. Bah, à l'exposition, forcément. Au parc des attractions. Nationalité. Alors, yougoslave par ma mère et douteuse par mon père. Mais t'es anglais. Anglais. Profession. Profession, moule marinière. Non, j'ai dit profession. Oui, ben, je suis moule marinière. Où ça? Ben, aux Folies Bergères, dans le tableau des fruits de mer. Je vais vous voir un dimanche en matinée, alors. Oui, mais ben alors, ne venez pas après 5 heures, parce que je me referme. Ah, bon, ben, Et alors, vous ne faites vraiment que ça comme métier, vous? Ah, bah non, c'est-à-dire que le matin, je suis bedeau. Ah, le matin, vous êtes bedeau. Je suis bedeau. Mais alors, mettez bedeau, c'est plus. Alors, je suis bedeau. Mettez bedeau, oui, vaut mieux, parce que moule marinière, je sais pas si ça en va. Bedeau. Alors, ici. Voyons, numéro de la carte d'identité pour les étrangers. Bon, vous n'êtes pas étranger, vous êtes anglais. C'est pas une nationalité, c'est un cas. Alors, la situation de famille, c'est très simple. Oui. Vous répondez par oui ou par non. Oh, que c'est simple. Non, c'est banal. Oh, oui. Alors, êtes-vous célibataire? Oui. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous veuf? Oui. Êtes-vous divorcé? Oui. Avez-vous des enfants? Non. Ah, une défaillance. Non, c'est-à-dire, ce jour-là, j'étais malade. Ah, bon, ça arrive. Vous tournez la page, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Et alors ici, vous avez revenu imposable, profession exercée par vous. Oui, alors j'en remets bedeau. Vous mettez bedeau, non? Je remets bedeau. Mais cette fois sans H. Ah oui, mais alors, qu'est-ce que je mets? Mettez un T, comme vous êtes anglais. Ouais. Alors, nom et adresse de votre employeur. Ouais, mais, bah, qu'est-ce que je mets comme employeur, moi? Ah, Monseigneur Feltin. Ah bon? Voilà. Mon prénom, c'est Jésus. Jésus Feltin. Voilà. L'adresse. L'adresse de l'homme de Paris, Paris. Ils trouveront. Oh, oui. De toute façon, c'est au rez-de-chaussée. Bon, alors, voyons ensuite. Traitement, indemnité, émolument. Somme touchée en 62. Et vous touchez en 62? 27 francs. Ancien? Non, nouveau, je travaille pas pour rien. Ah bon, bah, vous mettez 27 francs. Alors, je mets 27 francs, voilà. Voilà. Alors ici, vous avez avantage en nature. Ah, qu'est-ce que vous avez mis, vous, là? Ah, moi, j'ai mis partez de bière. Partez de bière? Oui, à Noël, on va faire du partez de bière, alors je vais partez de bière. Voilà. Ah bon? Ah bon, bah, alors moi, je vais mettre macro vin blanc. Bah, mettez macro vin blanc, ça vous regarde, d'ailleurs. Moi, je n'exerce pas, mais ça vous regarde. Alors maintenant, si c'est en boîte, vous ne comptez pas la clé. Ah, ça ne compte pas la clé. C'est vrai. Bon, alors ici, vous avez Oui. Vous avez marqué que je lis Total Degasaki. Oui. Il n'est pas japonais. Non, pas du tout. Alors, vous additionnez les sommes touchées en 62 plus les avantages en nature, oui. Ce qui vous fait 27 francs virgule, 3 macros, 20 blancs. Ah, 3 macros, 20 blancs. C'est banal. Alors, déduction des frais professionnels. C'est-à-dire? Ah ben moi, j'ai déduit le prix de mon thermomètre. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis mannequin en thermomètre. Pour qui? Ben pour ceux qui veulent acheter des thermomètres. Mais vous présentez ça comment? Pardon? Vous présentez ça comment? Sous le bras? Ah bon. Je ne vois pas très bien. Non, ça va bien. Bon. Oui. Alors écoutez, moi, eh bien, je vais déduire le prix de ma coquille de moule. Ah bah oui, la coquille de moule et la calotte de Bordeaux. Et la calotte, eh bah, ouais. Oh ouais, donc j'ai déduit une paire de calottes. Mettez donc une paire de calottes, allez. Une paire de calottes. Voilà, bon alors, de ce total, vous allez déduire 20%. C'est-à-dire 27 francs, virgule, 3 macro 20 blancs, moins une coquille de moule et une paire de calottes, multiplié par 20 et divisé par 100. Voilà. Oh, allez-y, mon Dieu. Bon, bah écoutez, je me jette à l'eau. Oui, bah comptez la bouée, ça fera un peu. Ah, bah, je comprends. Alors, attention. Je vais en faire, je vais en faire, je prends 25 glaces là parce que je sais pas quoi en faire. Je vais en faire, voilà. Ça nous fait 17 francs, virgule, un bedeau au vin blanc. C'est pas possible. Non, là vous êtes trompé, vous êtes racontez-moi ça. Je vais raconter. Oui, il ne faut pas frauder. Ah, mais non, mais je ne cherche pas. Mais faites attention, là, faites attention. Je ne cherche pas à frauder. Racontez-moi ça. Ah non, je vois. J'ai oublié de déduire les calottes. Ah, bah alors voilà, retirez les calottes, voyez ce que ça donne. Moi, les calottes, ça fait chier des mesures dans le choix de la résidence du marché. Oh, bah ça par exemple. Eh ben, ils me doivent 3 semaines au Baléares. Ah, bah vous voyez qu'on a le temps de pas déclarer, c'est ça.